Chapitre 2e, Jules Régnier dit sans patience. Jules Régnier dit sans patience habitait rue Neuve, une assez confortable maison que lui avaient laissée ses parents. Il en occupait le rez-de-chaussée et une pièce au premier étage. Le reste était inhabité, car nul parmi les 10 infortunés qui avaient eu successivement l'honneur et le désagrément d'avoir sans patience comme propriétaire n'avait tenu plus d'un an. Cet homme terrible décourageait tous les égards et lassait toutes les patiences. Il aurait épouvanté un héros et lassé la résignation d'un saint. Ce n'était qu'en tremblant que ses locataires apportaient à l'irritable propriétaire le montant de leur terme. Quand ils s'en tenaient là, ils en étaient quittes pour se voir jeter leur reçu à la figure comme on lance un os à un chien. Mais s'ils s'avisaient de faire la moindre observation ou la moindre demande de réparation, leur affaire était claire. La figure de sans patience s'empourprait, ses yeux sortaient de leurs orbites, ses poings se serraient et il bredouillait de colère. Il n'y avait alors qu'à prendre la porte au plus vite pour éviter d'être dévoré tout vif. Les locataires s'étaient vite lassés et sans patience, de son côté, s'était résigné à laisser inoccupés 2 appartements de sa maison, bien qu'il y perdît 800 ou 900 francs par an. Nous savons que sans patience avait perdu ses parents. Depuis qu'il était revenu du régiment, où il avait fait, entre parenthèses, une 15aine de jours de rabiot, il vivait seul. Jamais une servante n'avait pu s'accommoder plus de 2 mois de son humeur de dogue. Une femme de ménage venait 3 fois par semaine mettre un peu d'ordre dans son intérieur de garçon, et il prenait ses repas au coq hardy. Il n'exerçait aucune profession et vivait une existence régulière, à la fois confortable et modeste, grâce à ses 5 000 francs de rente dont il savait judicieusement tirer parti. Ses grandes passions étaient le jardinage et la pêche, bien que ce dernier passe-temps fût pour cette soupe au lait un véritable paradoxe. Et pourtant, sans patience, c'était un pêcheur émérite, qu'on voyait rarement revenir bredouille, et qui avait la constance de rester des heures immobiles et muets, la gaule à la main, sur les bords de la Meuse canalisée. Il y avait aussi un assez grand jardin de l'autre côté du faubourg pavé, et un jardinier de profession n'aurait rien eu à reprendre à ses méthodes et à son travail. En été surtout, il restait des journées entières, toujours seul, son éternelle pipe à la bouche, chaussé de sabots et coiffé d'un jonc de 4 sous. À Verdun, on rendait justice à la dignité de sa vie et à ses qualités d'ailleurs réelles, car cette enveloppe de porc épic toujours hérissée devait cacher un cœur d'or, à en juger par plusieurs anecdotes qu'on se racontait, et où sans patience avait joué le rôle d'un véritable manteau bleu. Mais dès qu'on faisait allusion à ces faits, sans patience se hérissait comme un chat en colère, et nul n'avait jamais osé à insister. Ce qui explique que si on l'estimait, on ne l'aimait pas. Il n'avait pas d'amis, mais seulement quelques camarades, ses partenaires habituels du café du commerce, où il se rendait régulièrement tous les soirs faire une manie à 4. Au moment où nous commençons ce récit, il avait 34 ans et semblait s'accommoder parfaitement de l'existence de sagesse et de sauvagerie qu'il s'était faite. Était-il heureux? Il semblait l'être. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Il était 10h30 quand sans patience quitta, de la façon que l'on sait, l'étude de maître Henriot. Il était rouge, congestionné et bredouillait des phrases confuses. Il traversa comme un bolide l'étroite rue Mazel, toujours encombrée, et arriva rue Neuve après avoir écrasé la patte d'un chien, bousculé 2 dames et renversé un cycliste. Arrivé chez lui, il entra dans sa petite salle à manger qui donnait sur la Meuse, et d'où l'on avait vu sur la place et le pont Beaurepaire, envoya promener à coups de pied 3 chaises qui le gênaient, jeta d'un revers de main sur le plancher un service à liqueur qui avait le malheur de se trouver sur le buffet de chêne, puis, les nerfs soulagés par ses exécutions, se laissa tomber dans un fauteuil, alluma sa pipe et se mit à réfléchir. Il réfléchit jusqu'à 11h30, le temps de fumer 2 pipes, puis d'un pas presque calme, il s'en alla déjeuner au Cocardi, où, fait extraordinaire, Jean, le garçon de service à la table d'hôte, ne reçut qu'une fois sa serviette à la figure. Sans patience, fit ensuite un piquet avec le directeur de l'abbaye verdunoise et perdit sans récriminer son café et celui de son adversaire. Puis, comme il était 2 heures, il se rendit de nouveau à l'étude de maître Henriot, où les clercs le reçurent en tremblant, demanda le notaire, le trouva dans son cabinet et lui dit ces paroles mémorables. « Monsieur, vous voudriez bien m'excuser de vous avoir quitté si cavalièrement ce matin. Je viens vous faire connaître ma décision. Vous pouvez faire le nécessaire pour me mettre en possession des 40 000 $ dont il est parlé à la fin du testament de feu mon oncle. J'accepte l'héritage sous les deux conditions qui me sont imposées. Vous voudrez donc bien prendre note que le délai de 6 mois qui m'est imparti court à partir d'aujourd'hui, 3 octobre 1912. Et pourrait-on savoir, interrogea maître Henriot, sans patience fronça ses terribles sourcils. Bien, bien, reprit précipitamment le notaire. Je vais télégraphier tout de suite à mon collègue de Philadelphie. Je pense être en mesure de vous verser les 40 000 $ dans une huitaine. En attendant, si vous désirez une avance, inutile, répondit un peu sèchement sans patience. Je ne compte pas partir aujourd'hui. J'ai besoin de réfléchir, n'étant pas encore fixé sur l'itinéraire que j'adopterai. Vous n'aurez donc qu'à me faire prévenir une œuvre aussitôt que vous serez en possession des fonds. Là-dessus, il salua fort courtoisement maître Henriot, quitte à reconduire lui-même son visiteur jusqu'à la porte de la rue. Arrivé sur le trottoir, sans patience, serra la main au notaire et s'en alla d'un pas fort paisible. Des passants soutinrent même l'avoir entendu siffloter.